remeter. Un eigen fin ens gain. Din fegel so rein. Fa per te dir me. Parsin je wat jo te. Demon.